ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la Société des Nations, l'ancêtre de l'Organisation des Nations Unies. Il y avait un enthousiasme immense. On avait le sentiment que cette guerre atroce était la dernière, qu'on n'en verrait plus jamais, et que par conséquent, il fallait organiser la paix de façon à ce qu'elle dure toujours. La journaliste Geneviève Tabouy qui décrit au micro de Judith Jasmin en 1963 le climat d'optimisme qui règne à la fin de la Première Guerre mondiale. C'est dans ce climat où l'on rêve de paix éternelle que va naître la Société des Nations, l'ancêtre de l'Organisation des Nations Unies. Mais le rêve va vite faire place à la réalité et les principaux membres de cette Société des Nations vont se retrouver très vite en conflit armé les uns contre les autres au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Mais cette association de la Société des Nations groupait-elle uniquement des pays européens et nord-américains? Oh, mais pas du tout. C'était justement la grande attraction. Elle groupait les pays du monde entier. L'Amérique latine, le tréfonds de l'Inde, le tréfonds de l'Afrique. Et alors, tout le monde n'avait pas l'habitude de voir tout le monde. Vous savez, un délégué d'Amérique latine regardait comme ça un Finlandais, il n'en avait jamais vu. Maintenant, tout ça paraît absolument stupide. Mais c'était quand même le début de l'esprit international. C'était le début de l'esprit international. Et puis alors, il y avait à Genève, à l'époque, toutes les sociétés de toutes les capitales du monde envoyaient leur premier salon, si je peux dire. Alors, il y avait toutes les belles dames, il y avait la gentry anglaise, il y avait les plus charmantes aristocrates de Paris, il y avait des femmes de Vienne, il y avait... C'était merveilleux. À nouveau, la journaliste Geneviève Tabouy répondant aux questions de Judith Jasmin à l'émission Premier Plan en 1963 pour nous faire revivre cette très courte histoire de la Société des Nations. Je reçois l'historien Carl Bouchard, professeur à l'Université de Montréal, collaborateur régulier à l'émission. Carl Bouchard, bonjour. Bonjour. Au-delà de cette description fort sympathique que nous fait... Et ça, c'est vrai, ce qu'elle décrit, ça existait. Absolument. Ça fait partie de ce qu'a été la SDN. Mais au-delà de cette description, donc, de la vie diplomatique et mondaine genevoise que fait Geneviève Tabouy, qu'est-ce qu'il faut retenir? Que retient surtout l'histoire, Carl Bouchard, de cette courte période où la SDN a existé? Oui, c'est une histoire un peu tragique qu'on retient, celle de la SDN, c'est-à-dire un échec de la paix, un échec qui suit une illusion. Alors, dans les manuels, dans les cours, c'est toujours un peu le symbole qu'on a. C'est pourquoi il me semble intéressant de revenir un peu sur cette histoire, parce que ce n'est pas que ça. Et c'est aussi, je pense que l'extrait était quand même très intéressant. C'est aussi un esprit international qu'on développe à l'époque. Et ça, je pense que c'est un point important sur lequel on doit mettre l'accent. Et qui va survivre, parce que la SDN, on le dit souvent, mais c'est un peu l'ancêtre de ce que deviendra les Nations Unies. Il y a quand même une filiation entre les deux organismes. Très clair. Et puis, la SDN continue à vivre techniquement pendant la Deuxième Guerre mondiale, malgré le déclenchement de la guerre. Et puis, c'est un des premiers gestes qu'on pose au moment de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est tout de suite de réactiver cette organisation internationale sous un autre nom, avec d'autres règles, mais c'est un perfectionnement, en fait, de la première organisation internationale. Parlons un peu du contexte dans lequel va être créée cette fameuse Société des Nations, parce que ça se fait graduellement, avant même la Première Guerre mondiale. En fait, ça commence au fond, au début du 20e siècle. Il y a, à ce moment-là, Carl Bouchard, une espèce de vent d'optimisme, de courant pacifiste très, très fort. Oui, en fait, ça se développe au cours du 19e siècle, mais vraiment à partir du fin 19e, début 20e siècle. Cet optimisme-là, il est déterminé notamment par l'industrialisation, par le fait que les choses vont plus vite, le progrès technique, le progrès scientifique est tel qu'on croit que l'humanité est en marche vers le bonheur, vers la paix. L'homme moderne ne voudra plus la guerre. Et en fait, ça devient même un mot d'ordre. Un des plus grands auteurs de l'époque, Norman Angell, a écrit peut-être le seul best-seller pacifiste de l'époque qui s'appelle « La grande illusion ». Et dans son ouvrage, Norman Angell prévoit la fin des guerres en disant « Au niveau économique, on est tellement développé maintenant, l'interdépendance est telle que plus jamais un État ne voudra faire la guerre avec un autre État, puisque tout le monde y perd. Le capitalisme, c'est la stabilité, c'est la prévision. La guerre, c'est l'instabilité, l'imprévision. » rationnellement, l'homme moderne ne voudra plus faire la guerre. Et puis, il y aura des penseurs, de grandes figures du pacifisme à cette époque-là. Parmi ces grandes figures, Léon Bourgeois, c'est une figure importante. Pourquoi? Qui est-il d'abord, Léon Bourgeois? C'est un homme politique français assez important. Il a été sénateur, il a été ministre à plusieurs reprises. Il publie dans les décennies qui précèdent la Première Guerre mondiale un ouvrage qui s'appelle « Pour la société des nations ». Et son ouvrage est intéressant, c'est une série de conférences, mais ce que développe surtout Léon Bourgeois, c'est la thèse du solidarisme au niveau national, et il essaie d'exporter ça au niveau international. Solidarisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait amener au niveau international ce qui permet aux sociétés de vivre entre elles au niveau national, et donc établir des codes de loi, établir un système de droit qui permettrait aux États d'avoir le même rapport entre eux que les individus ont dans une société. Et donc ce rapport-là, et puis le solidarisme, c'est aussi tenir compte des autres, une solidarité internationale qui passerait, par exemple, à l'aide envers les pays qui sont agressés par d'autres États. Donc, ça contribue aussi à cet esprit international qui se développe, dont on faisait référence dans l'extrait. Et à côté de cet idéalisme pacifiste de Léon Bourgeois, il y a aussi la montée d'un courant, d'un discours, en fait, anti-guerre qui est porté par les socialistes européens. Puis c'est amusant parce que vous citiez un penseur il y a un instant qui nous dit à cette époque-là, la guerre, c'est incompatible avec le capitalisme. Les socialistes vont dire au contraire. Exactement le contraire. La guerre, c'est l'affaire des capitalistes. Exactement. La propriété, c'est le vol, le disait Proudhon à l'époque, et la propriété, la volonté de propriété, c'est la volonté aussi d'exploiter. Et donc, pour les socialistes, la fin des guerres passera par la fin du capitalisme, par l'abolition des classes. Donc, ça montre aussi à quel point l'idéal de paix est partagé un peu dans tous les groupes. C'est-à-dire que tout le monde, qu'on soit à gauche, qu'on soit à droite, va dire, ben moi, mon idée va mener à la paix. Oui. La paix devient un aboutissement, en fait, dans une certaine mesure, des idéologies. Et on va avoir, par exemple, les nationalistes européens, ceux qui sont pour l'émancipation nationale, vont dire, quand les empires vont mourir, quand il n'y aura plus d'empire, eh ben, quand chacun aura sa nation, la paix va régner sur Terre. Donc, chacun a sa vision, son interprétation de la paix. Arrive cette Première Guerre mondiale qui est, c'est assez fascinant, à la fois, évidemment, un aveu d'échec de ce mouvement pacifiste. En même temps que la guerre, étrangement, Karl Bouchard va devenir une espèce d'incubateur de cette idée de paix durable. De quelle manière la Première Guerre mondiale va alimenter cette idée de la paix? Oui, mais c'est clair que dans un premier temps, c'est le désaveu, en fait, des pacifistes. Donc, d'une part, les socialistes qui prônaient la fin des guerres, les socialistes allemands, les socialistes français, les socialistes britanniques voulaient faire une grève générale pour empêcher la guerre. Et puis, ben, au moment où la guerre commence à éclater, ils votent les crédits de guerre, donc tournent leur chemise, c'est ce qu'on appelait la volte-face des socialistes. Et puis, ben, c'est un désaveu des pacifistes parce qu'on était optimistes, on croyait que ça allait se terminer, et bang, la guerre éclate. Ouais. Donc, premier point, c'est une déstabilisation. Mais en même temps, la guerre est tellement dure, tellement longue, tellement terrible, que peu à peu, les gens se disent, il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas revivre ça une autre fois. Compte tenu justement de l'industrialisation, du développement, du potentiel de destruction, on ne peut plus vivre une telle catastrophe. En fait, ça renforce ce sentiment qui naît à la fin du 19e, début 20e, où on ne veut plus de la guerre, plus jamais la guerre, étant les deux pieds dedans avec effectivement le nombre de victimes et la dureté de cette première guerre. Ça renforce ce sentiment. Exactement. Quelqu'un qui, par exemple, prône le droit international au début du siècle, voit la Première Guerre mondiale, et que dit-il? Ben, il dit c'est justement la preuve que l'anarchie mondiale est responsable de la guerre. Si on veut cesser les guerres, il faudrait qu'il y ait un véritable droit international et que les États soient contraints d'agir dans le sens de la paix. Donc, c'est le grand paradoxe de la Première Guerre mondiale, en fait. Autant c'est une preuve que les pacifistes ont tort avant 14, autant pendant la guerre, c'est la preuve que la paix est peut-être la seule voie possible. Le président américain Woodrow Wilson, dont on a déjà parlé ensemble, va jouer un rôle central dans le développement, dans la promotion de cette idée plus spécifique de ce qui va devenir la SDN, la Société des Nations. Quel rôle il va jouer? Il a le rôle d'un chef d'État d'une grande puissance déjà, d'une grande puissance qui, dans un premier temps, n'est pas en guerre. Les Américains restent neutres. Et donc, Wilson présente les États-Unis comme le gardien moral de la paix pendant la période de neutralité. Puis ensuite, lorsque les Américains entrent en guerre, il devient le porte-parole de la paix, porte-parole de l'Organisation internationale à l'avenir. Donc, à partir de 1915-1916, il commence à prendre position pour la création d'une organisation internationale qui va appeler la Ligue, une Ligue des Nations. Mais il n'est pas le seul, évidemment. Lui, il va prendre un peu la balle au bon. Ce qu'on voit, en fait, c'est que Wilson est au courant de ce qui s'écrit un peu partout dans les pays occidentaux, où on parle justement de la nécessité de créer une organisation qui permettrait de freiner la guerre ou de réduire les risques de guerre. Le pape Benoît XV en parle aussi dès 1914-1915. Donc, la parole est un peu partout. C'est Wilson qui, en fait, va récupérer tout ça. Et puis, parce qu'il est extrêmement charismatique, extrêmement populaire, eh bien, c'est lui qui va devenir le porte-étendard un peu de cette idée. Mmh. Il aura ce fameux discours célèbre, le discours des 14 points, où, au fond, il prépare ce qui suivra la Première Guerre mondiale déjà. Il prépare la paix, en fait. Il entre en guerre, d'ailleurs. Les États-Unis entrent en guerre dans l'objectif du retour de la paix. Et dans ces 14 points, il y aura cette idée, donc. Oui, exactement. C'est le dernier des 14 points. Et en fait, les 14 points, c'est une feuille de route. Oui. Voilà ce qu'il faut faire pour éviter la guerre. Alors, la première partie des 14 points, c'est ce qu'on devrait régler au départ. Ensuite, il y a des règlements territoriaux. Et puis, le dernier point, c'est de dire qu'il faut créer une organisation internationale qui va maintenir la paix. Et il y tient mordicus. C'est son cheval de bataille à la conférence de paix. La conférence de paix, elle s'ouvre à Paris en 1919, et c'est vraiment dans ce contexte-là, dans le contexte de cette conférence de paix, que va officiellement naître la SDN. Ouais. Comment se passe l'accouchement, Pierre Bouchard? Il se passe, déjà, je le disais, c'est le cheval de bataille de Wilson. Wilson arrive à Paris, il est le chef de la délégation américaine, les Américains sont vus comme les grands contributeurs de la victoire. Ils ont énormément d'argent, ils ont prêté à tout le monde durant la guerre. Tout le monde se plie à la volonté des Américains. Et donc, tout le monde sait que c'est la marotte de Wilson. Ouais. Et on permet à Wilson, donc, d'accoucher de cette Société des Nations. C'est le point le plus important pour lui. Mi-février, l'ébauche du pacte est rédigée. Et à partir de ce moment-là, Wilson va un peu, en fait, se reculer, prendre ses distances par rapport aux négociations. Pour lui, le point principal a été trouvé. L'accouchement est difficile parce que les intérêts ne sont pas les mêmes aussi. Évidemment, chaque État a ses propres intérêts à défendre. Le président Clemenceau, qui est le président du Conseil français, par exemple, ne croit pas du tout à la SDN, mais il tient beaucoup à garder l'alliance avec les États-Unis et donc est prêt à tous les compromis possibles pour continuer à plaire à Wilson. Du côté des Britanniques, on croit moyennement à la SDN. Ce qui préoccupe les Britanniques, c'est la conservation de l'Empire. Donc, il y a vraiment des intérêts très différents. C'est pour ça que la SDN est une œuvre de compromis. Oui. Donc, un édifice qui, dès le départ, est un peu chancelant, mais qui, on revient à cette volonté d'optimisme et de ne plus voir la guerre poindre à l'horizon, cette idée de la SDN au sein de la population européenne à ce moment-là, c'est un grand succès. C'est un grand succès parce que personne ose croire que la guerre a été inutile. La catastrophe est tellement importante, il y a plus de 10 millions de morts, qu'on se dit, si on a 10 millions de morts et que rien n'arrive après, c'est vraiment une perte totale. Les hommes sont morts en vain. Il faut absolument qu'il se passe quelque chose. Donc, cet optimisme-là, il est aussi un mécanisme de défense, de se dire, écoutez, il faut que la guerre ait servi à quelque chose. Si elle ne sert qu'à ça, c'est déjà une très grande victoire. Donc, il y a vraiment un intérêt, pas simplement dans les pays européens, dans les pays occidentaux de façon générale et un peu partout sur la planète, pour le soutien. Évidemment, certaines associations pacifistes auraient préféré qu'on aille beaucoup plus loin, qu'on contraigne davantage les États. Mais il faut quand même, dans une certaine mesure, accepter cette réalité. C'est un compromis, c'est un premier pas. Alors, à quoi ressemble ce compromis? À quoi, pour poursuivre l'analogie de l'accouchement, ressemble le bébé? Ses grandes caractéristiques, ses grands principes, qui est membre de la SDN? Il y a 42 membres au départ. Si on fait l'analogie un peu avec l'Organisation des Nations Unies, aujourd'hui, on a un Conseil de sécurité et une Assemblée. À l'époque, on a effectivement un Conseil, qu'on n'appelle pas le Conseil de sécurité, qu'on appelle le Conseil de la SDN, qui est composé de 5 membres. Les 5 grandes puissances victorieuses de la Première Guerre mondiale, donc les États-Unis, le Japon, la France, le Royaume-Uni et l'Italie. Et puis ensuite, il y a une assemblée donc, qui contient l'ensemble des États. C'est un genre de grand forum international. Il y a certains articles, il y a 26 articles dans le pacte de la Société des Nations. Certains articles sont plus importants que d'autres. L'article 5, par exemple, stipule que toutes les décisions, autant à l'Assemblée qu'au Conseil, sont prises à l'unanimité. C'est quand même quelque chose d'assez important. Les articles 10, 11, 16, par exemple, sont ceux qui fondent ce qu'on va appeler par la suite la sécurité collective. Et ils disent très simplement que si un membre est attaqué, c'est comme si tous les membres étaient attaqués. Donc, on doit porter secours à ce membre attaqué. C'est toute une réflexion aussi sur la capacité de se défendre collectivement qui va achoper sur plein de points pendant l'entre-deux-guerres, mais qui est encore un embryon de sécurité collective. Les États-Unis, Carl Bouchard, ne sont pas membres de la SDN. On a vu à quel point le rôle de Woodrow Wilson a été important pour que naisse la SDN. Comment expliquer l'absence des États-Unis? Ouais, c'est la première grande catastrophe, en fait. C'est que les Américains, le Sénat américain refuse de ratifier le traité de Versailles en 1920. Et le traité de Versailles inclut la clause sur l'entrée dans la SDN. Et donc, en refusant de ratifier le traité de Versailles, les Américains, qui ont été justement le porte-étendard de l'idée avec Wilson, disparaissent de cette aventure. Et donc, on se retrouve avec une SDN sans le plus important des États, avec deux autres États, la France et le Royaume-Uni, qui y croient moyennement, des absents. Les Allemands, par exemple, ne sont pas dans l'SDN. La Russie, qui a connu sa révolution en 1917, qui est maintenant communiste, ne fait pas partie de la SDN. Alors, pour certains, c'est un peu un club de vainqueurs, avec un absent, qui sont les États-Unis. Donc, des failles importantes, on le voit bien déjà, dès le début de l'élaboration de cet édifice de la SDN. Il y aura quelques succès au début, mais évidemment, l'échec va finir par l'emporter. On écoute la lecture que fait à l'époque Charles de Gaulle. À l'époque, c'est en 65. Charles de Gaulle, en conférence de presse sur la SDN, il refait le président français un petit peu la genèse de la naissance, mais surtout, vous allez voir, de la mort de la SDN. Et c'est la Première Guerre mondiale qui était sortie de la Société des Nations, que la France, l'Angleterre, les États-Unis aussi, et leurs alliés avaient décidé d'instituer de manière à empêcher plutôt le retour des malheurs qui avaient déchiré le monde. Mais aussi longtemps que les données qui étaient à la base de la situation du monde étaient celles qu'avait fixées le traité de Versailles, la Société des Nations avait pu exister et fonctionner en s'exaltant de ses propres principes, surtout quand il s'agissait de condamner théoriquement la guerre. Mais on allait voir que les hommes étant les hommes, les États étant les États, on avait visé trop haut. À mesure que le Japon impérialiste, que l'Allemagne nazie, que l'Italie fasciste s'en prenaient à l'ordre établi, la Société des Nations manifestait son impuissance. Alors, la Deuxième Guerre mondiale mit en faillite l'institution de Genève et on vit ses principaux membres en venir aux mains réparties qu'ils étaient entre deux camps opposés. C'est fascinant parce qu'en écoutant Charles de Gaulle, on revient à ce qu'on disait déjà ensemble. La SDN est clairement le produit de la Première Guerre mondiale, mais va déboucher sur cet échec de la Deuxième. Qu'est-ce qui va conduire à cet échec? Ouais, c'est en fait toute la tragédie. C'est que il y a effectivement des succès dans les premiers temps, mais la SDN ne... Règlement de plus petits conflits. Des petits conflits d'arbitrage, par exemple, qui continuent. Les organisations techniques, les organismes techniques de la SDN fonctionnent très bien. Il y a de beaux progrès. Mais, un peu comme le dit De Gaulle, en fait, la SDN, c'est à l'image des États qui composent la SDN. Alors, quand les États veulent bien travailler ensemble, ça fonctionne bien. Quand les États ne veulent pas travailler ensemble, eh bien là, ça dérape. C'est ce qui va se passer à partir du moment où la crise économique frappe, là, à partir de la fin des années 20, alors qu'on a connu un peu le point d'orgue à la fin des années 20, avec l'entrée de l'Allemagne dans la SDN, par exemple, avec le fameux pacte Briand-Kellogg à partir de 1928, où on condamne moralement la guerre, eh bien là, la crise économique ramène un peu la salle de détention. Il y a une nouvelle génération aussi qui arrive. Certains promoteurs de SDN décèdent à la fin des années 20 et tout ça change un peu la dynamique. Et le jeu d'alliance qui mènera à la Deuxième Guerre mondiale se met déjà en place. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de pouvoir de contrainte à la SDN. Il y a ces règles un peu folles au fond d'unanimité, vous l'avez évoqué, qui fait que ça devient inopérant. C'est très difficile d'opérer. Et puis, effectivement, il n'y a pas de mécanisme de contrainte. Tout ça reste... Wilson parlait à l'époque d'une opinion publique mondiale. C'est-à-dire que, pour lui, c'était la moralité qui devait agir sur les États, qui devait contraindre les États à agir. Dans la période de tension, les États sont très peu moraux. Évidemment, ça pose un sérieux problème. Et lorsque les États voyous, comme on les appelle aujourd'hui, vont commencer à poser des gestes et des coups de force, leur solution, ce sera de quitter la SDN. Ouais. On va entendre justement, le diplomate britannique Philippe Noël Becker, à l'émission Partage du jour en 1962, nous parler de ces coups qui vont être fatals à la SDN. Pendant la première époque, elle a eu l'appui réel des grands gouvernements et surtout du gouvernement de la Grande-Bretagne, qui était la plus grande puissance du monde à ce moment-là. Et tous les gouvernements, travaillistes, conservateurs, etc., avaient appuyé réellement la Société des Nations. Mais depuis que le Congrès du désarmement s'est réuni en 1932, le gouvernement conservateur, qui était élu en 1931, a lâché la SDN. Elle a fait échouer le traité de désarmement général. Et puis après, quand Mussolini a conquis l'Abyssinie, la Grande-Bretagne a lâché de nouveau. Au lieu de résister, une résistance qui aurait été appuyée par tous les autres membres de la SDN, le gouvernement a abandonné l'Abyssinie à l'Italie et puis c'était la fin. Parce que tout le monde se dit, n'est-ce pas, si on ne défend pas les petits États, on ne défendra rien. Et comme ça, nous avons eu la guerre. La guerre de l'Italie à l'Éthiopie, un des coups, probablement le coup fatal au bout du compte, mais il y a différents éléments qui vont jouer. Il y a différents coups. C'est clair que c'est intéressant que Baker parle de conférence de désarmement parce que c'est un peu le point de pivotal, disons, dans cette aventure. Effectivement, au moment où ouvre la conférence de désarmement en 32, qui est attendue depuis des années, en fait, c'est peut-être un des points les plus importants. Pour parvenir à la paix, il faudrait désarmer. Or, les États continuent à s'armer. Mm-hmm. Et en 32, la conférence s'ouvre, mais le Japon vient d'envahir la Mandchourie quelques mois plus tôt. Quelques mois après l'ouverture de la conférence, en janvier 33, Hitler arrive au pouvoir. En octobre, décide de quitter la SDN, quitte la conférence sur le désarmement. Donc déjà, l'atmosphère est terrible. Et puis, quelques années plus tard, l'Italie, qui est quand même membre du Conseil, comme le Japon, qui était membre du Conseil de la SDN, eh bien, envahit l'Abyssinie. Ces États décident de quitter. Donc le Japon, l'Italie et l'Allemagne ont quitté la SDN. Les États-Unis ne sont plus là. Il ne reste plus grand monde là, pour soutenir cette organisation internationale. Bouclons la boucle, on disait la SDN. Un peu l'ancêtre des Nations Unies. Qu'est-ce qu'on a appris entre la première et la transmission entre la première et la deuxième génération, pour rester dans l'imagerie de l'émission? Ben, on a appris que les organisations internationales, comment dire, sont jamais plus forts que les États veulent bien qu'elles soient. C'est-à-dire que si on parle d'un échec de la SDN, c'est surtout l'échec des États à agir de façon pacifique pendant l'entre-deux-guerres. Donc, c'est le premier apprentissage. Le deuxième, c'est qu'il faut quand même, si on a une organisation internationale, une forme de contrainte. Et donc, dans l'ONU, on a compris qu'on doit changer les mécanismes, par exemple sur les règles de l'unanimité, par exemple avec la capacité d'intervention, les casques bleus. Donc, on peut agir. Il ne faut pas simplement être passif face à l'actualité internationale. Et ce qu'on a aussi appris, et ça, les historiens mettent l'accent là-dessus depuis quelques années, c'est que tous les organismes techniques qui ont été créés avec la SDN, je pense par exemple au Bureau international de travail, je pense au service d'aide sur le trafic de drogue, trafic des enfants, trafic des femmes, et bien tout ça, c'est revenu aussi avec l'ONU. Ouais. Et donc aujourd'hui, l'UNESCO, par exemple, c'est une héritière des organismes techniques de la SDN, l'Organisation internationale du travail également. Donc ça reste, et ça fait une centaine d'années qu'on a ces organismes qui sont dans le cadre. Il y a quand même une base qui avait été posée. Absolument. Déjà. Carl Bouchard, professeur d'histoire à l'Université de Montréal, comme toujours, c'était passionnant. Merci beaucoup, Carl. Avec plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.